C'est la ritournelle, petite bagatelle, qui tourne les têtes comme une alouette. C'est la ritournelle, mon Dieu que t'es belle, comme une hirondelle qui ouvre ses ailes. Petite ritournelle, petite Annabelle, danse les nacelles, chante les crécelles. C'est la ritournelle, pour ceux et pour celles, que le temps enlève, que le vent soulève. C'est la ritournelle, pour lui et pour elle, que la vie en mêle, et des mains démêle. Petite ritournelle, petite Annabelle, danse les nacelles, chante les crécelles. C'est la ritournelle, messieurs, demoiselles, dans vos yeux qui perlent, brille une étincelle. C'est la ritournelle, les neiges éternelles, le pas des gazelles, le la d'une noiselle. Petite ritournelle, petite Annabelle, danse les nacelles, chante les crécelles. C'est la ritournelle qui nous ensoleille, l'enfant qui s'éveille à la vie réelle. C'est la ritournelle qui nous ensorcelle, cet homme qui veille sur l'enfant qui rêve. Petite ritournelle, petite Annabelle, danse les nacelles, chante les crécelles. C'est la ritournelle, tourne manivelle, valse violoncelle, tant la vie est belle. Petite ritournelle, donne-nous ombrelle, pour traverser si frêle les averses de grêle. Petite ritournelle, petite Annabelle, danse les nacelles, chante les crécelles. Petite ritournelle, petite Annabelle, danse les nacelles, chante.